était né dans un champ de blé. Une belle façon pour débuter. Des charançons, des affamés, et un cure-dent pour moissonner. Des charançons, des affamés, c'est Ignatius en résumé. Quelle modestie, c'était de pouvoir vivre à l'abri. Voilà l'ennui, il n'y a plus de place, encore à corps la lutte des crasses. C'est ça l'ennui, il n'y a plus de place, faut se faire un trou dans ce tas de vorace. Petit, petit, le charbon rétrécit, le boulot se dissout bien malgré vous. Le boulot se dissout bien malgré vous. Mais le blé ne pousse plus bien entendu. Et pour Ignace, c'est quoi le menu? Pour le pain blanc et la trabant grillé, des pneus pas de sentiment. Juste du pain noir et rien dedans. Mais sans la méthode à 12 000, trouver sa place est-ce bien utile? Pour Ignatius, vous en doutiez, c'est les cactus qu'il fait pousser. L'histoire des hommes résolument ne s'arrange pas à...